sont inspirés par le monde des ténèbres afin de nuire aux intérêts du peuple de Dieu, afin de nuire aux intérêts des enfants de Dieu et les empêcher de s'épanouir. Esther était une juive déportée en captivité à Babylone. L'empire babylonien à l'époque s'écroula avec l'avènement de l'empire médo-perse sur le monde antique entre 539 et 331 avant Jésus-Christ. Et c'est sous les règnes du roi Assyrus, dont le nom grec était Xerxès. Cet empire s'étendait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Après la première expédition des Juifs, retournés à Jérusalem sous la houlette de Zorobabel, après 70 ans de captivité à Babylone, certains Juifs sont restés en Perse. Esther était l'une de ces captives juives, orpheline de père et de mère. Elle a grandi en Perse dans la maison de son cousin Mardoché, qui l'a élevée comme sa propre fille. Elle fut choisie comme reine en remplacement de Vashti, qui est tombée en disgrâce à cause de son refus de venir montrer sa beauté au peuple et aux grands du royaume. Alors nous voyons ici, il y a deux lois qui étaient contre les intérêts du peuple de Dieu. La première loi, c'est la loi Aman. Nous la trouvons dans Esther 3, 8 à 15. C'est une loi d'extermination des Juifs. Aman, c'était ce descendant d'Agag, d'où l'appellation l'Agagite. Il fut élevé par le roi Assyrus comme deuxième personnalité de l'empire perse. Agag fut le nom du roi Amalécite, dont l'Éternel demanda au roi Saül à l'époque de l'exterminer, d'exterminer son peuple, d'exterminer ses brebis et les bœufs. Mais le roi Saül épargna Agag, le roi d'Amalek, et il épargna aussi les brebis grasses. C'est pourquoi il fut rejeté comme roi, parce que Dieu dit « l'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Et ce fut le prophète Samuel qui exécuta la sentence divine en tuant Agag. Vous trouvez cela dans 1 Samuel chapitre 15, 2 à 3, 1 Samuel 15, verset 9. Et ceci pourrait expliquer la haine qu'Aman nourrissait contre les peuples juifs. Donc ça datait de plusieurs années. Cet homme se disait, c'est eux qui ont tué mon ancêtre, le roi Agag. Il était haineux, il était rempli de haine contre les juifs. Et il a inspiré cette loi d'extermination des juifs. Cette loi décidait l'extermination de tous les juifs en un seul jour et que leurs biens soient livrés au pillage. Et en retour, Aman proposa au roi qu'il allait susciter parmi les fonctionnaires 10 000 talents pour le faire entrer dans les trésors du roi. Nous avons encore aujourd'hui des Aman dans nos entreprises. Même dans l'église, il y a des Aman. Dans nos milieux sociaux professionnels, dans la nation, ce sont des gens qui réussissent à gravir des échelons en occupant des grands postes, mais qui sont animés d'un esprit de haine et de vengeance. Je parle à quelqu'un dans ton entreprise là. Il y a quelqu'un, un monsieur qu'on vient de nommer, de lever. Tout le monde se demande, il n'a pas les compétences. Peut-être qu'il fait des fétiches ou les médicaments. Parce qu'il se connaît avec l'autorité. Parce qu'il se connaît avec le DG. Ce sont des gens qui parfois par des moyens mystiques arrivent à dévier ou bien à détourner les nominations des autres. À bloquer les autres pour qu'eux-mêmes puissent avancer. C'est l'esprit d'Aman. Remarquez qu'Aman fut élevé par le roi après que Mardoché eut découvert la conspiration faite contre le roi. Une telle personne ayant manifesté sa loyauté vis-à-vis du roi devrait être récompensée par ce dernier. Donc en lieu et place de Mardoché, c'est Aman que le roi a élevé. Et Aman nourrissait une haine contre Mardoché. Il était conscient que c'était Mardoché qui devrait être élevé. Et comme il n'aimait pas les Juifs, il voulait l'élimination de Mardoché et de tout son peuple. La deuxième loi, c'est la loi d'interdiction d'accès à la cour royale. Vous voyez, cette loi dit dans Esther 4, verset 11, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Esther, même la femme du roi, là, la loi l'interdisait d'entrer chez le roi. Alors que Esther était consciente, elle était informée qu'il y avait la loi Aman d'extermination de son peuple. Mais cette deuxième loi l'empêchait d'entrer. Mais Esther a jeûné. Elle était consciente que les lois divines sont au-dessus des lois des hommes. Les lois divines sont au-dessus des lois des sorciers, des mystiques. C'est pourquoi il a jeûné. Elle a demandé à Mardochée, à tous les peuples juifs de jeûner. Elle a dit, j'entrerai malgré la loi. Il y a une loi qui t'empêche d'entrer dans ton mariage. Ça fait longtemps que tu es célibataire. Il y a une loi qui t'empêche d'avoir des enfants. On t'a bloqué, tes enfants sont dans les eaux. Il y a un esprit de sirène, des eaux qui bloque ta fécondité, qui bloque toute la famille. Parce qu'il y a une loi qui a été signée depuis les grands-parents. Ils ont vendu la fécondité, oui, à un esprit, à un génie au village. Ils ont vendu, oui, les diplômes des enfants. Il y a ces lois-là. Oui, mais aujourd'hui, c'est le jour où tu vas entrer malgré ces lois. Ces lois seront brisées. Ces lois seront annulées. Car la Bible déclare que Jésus a déchiré. Il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu dois dire ces lois qui m'empêchent, moi, de voyager, d'avoir mon visa, d'avoir mes papiers pour que je reste en Europe, pour que je reste aux États-Unis, au Canada. Ces lois doivent être annulées et brisées dans le nom de Jésus. Tu vas dire, j'entrerai malgré la loi. J'entrerai dans ce poste-là. Oui, je vais parler à quelqu'un. Tu postules à un poste au niveau de l'ONU, au niveau d'une organisation internationale. Le Seigneur va te positionner. Il y a quelqu'un qui te bloque. Il va dégager. La puissance de Dieu va le dégager. Et tu vas entrer dans tes postes au nom de Jésus. Parce que tu as le profil qu'il faut. Malgré cette loi, malgré ce blocage, il y a quelqu'un qui t'a demandé de devenir homosexuel. N'entre pas. Oui, tu vas entrer malgré ces lois-là, malgré ces lois de corruption, malgré que on te sollicite, ton chef te dit, pour que je puisse te nommer, il faut sortir avec toi. Ma sœur, Dieu lui-même va le contraindre à te nommer. Tu entreras dans ses fonctions malgré la loi. Ton commerce va évoluer malgré les lois de pauvreté qui bloquent toute ta famille. Esther est entrée dans la cour du roi malgré la loi. Et elle fut accueillie favorablement. Et le roi lui a donné tout ce qu'elle avait demandé. Toi aussi, tu vas entrer dans ta bénédiction, dans ta gloire, malgré toutes ces lois-là qui ont été signées dans le monde spirituel pour te bloquer, pour bloquer ta vie, pour bloquer ta famille, pour détruire ta vie. Tu vas entrer malgré ces lois-là, car Jésus les a annulées sur la croix de Golgotha. La Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, tu vas dire, j'entrerai malgré la loi. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons le bénir pour sa parole. Nous allons le bénir pour les miracles qu'il commence déjà à opérer. Il a déjà tout accompli. Chantons ces cantiques. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi nous allons chanter cette chanson avec joie et avec vie. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ensemble, il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous allons reprendre cette chanson ensemble pour dire que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. Il a reçu. au-dessus le nom, au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchira devant le nom de Jésus. Le chômage fléchira devant le nom de Jésus. Les célibats fléchira devant le nom de Jésus. Même les échecs fléchiront devant le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, yo, yo, yo, yo. Au-dessus de tout nom, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira devant le nom de Jésus. Les épreuves fléchiront devant le nom de Jésus. Les célibats fléchira devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchira devant le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, yo, yo, yo, yo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Gloire au Seigneur. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour sa grandeur, pour sa puissance, pour sa fidélité. Amen. Nous rappelons que nous sommes au dernier jour de notre semaine de jeûne et prière spéciale Jéricho 2016. Le texte du jour, c'est Esther, chapitre 4, 1 à 17. J'entrerai malgré la loi, qui est notre thème principal, que nous allons développer en détail tout à l'heure à notre grand rassemblement à l'église d'Assemblée de Dieu d'Adjamé. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous révéler toutes les lois qui ont été signés dans le monde des ténèbres, au sein de nos familles, dans même notre pays, même dans nos villages, que ce loi-là qui nous bloque, qui empêche les gens d'évoluer, soit annulé dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. La force dans la prière. sur la brèche, la force dans la prière. Éternel des armées, nous te bénirons en tout temps. Ta louange sera toujours dans notre bouche. Que notre âme se glorifie en l'Éternel et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Nous t'exaltons, ô Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'avons cherché et tu nous as répondu. Tu nous as délivré de toutes nos frayeurs. Quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous te demandons de nous révéler toutes les lois qui ont été signées dans le monde des ténèbres, au sein de nos familles, dans nos pays, contre nous. Nous déclarons que ces lois sont nulles et de nul effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que tout décret satanique, tout décret démoniaque qui a été signé dans nos villages, qui a été signé au sein de nos familles et qui nous bloque, qui nous empêche d'évoluer, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Nous anéantissons ces lois. Nous décrétons la loi de l'Éternel qui est pure, qui est parfaite, qui réjouit le cœur et qui accomplit toutes choses. Et ce matin, nous disons que la loi de l'Éternel est en marche dans nos vies. Nous déclarons que les décrets démoniaques sont annulés au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions en ce dernier jour de jeûne Jéricho. Et nous te disons merci Seigneur pour tous les privilèges que tu nous as donnés tout au long de la semaine. Nous te disons merci pour la victoire sur les puissances de l'ennemi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ et avec action de grâce que nous avons prier. Amen. Amen. Nous allons prier aussi pour que Dieu nous révèle nos Aman. Aman là, celui qui a bloqué ta nomination, celui qui a volé même tes avantages, il a détourné tes fonctions. Aman là, qui nourrit un esprit de haine et de vengeance, qui cherche à exterminer toute ta vie, toute ta maison, tous tes enfants. Tu vas prier pour lier l'esprit d'Aman et tu vas déclarer que cet esprit d'Aman est écroulé au nom de Jésus, que ces desseins d'Aman et toutes ces lois qu'il a signées contre toi en disant que tes enfants, ta famille sera exterminée, on va te chasser du travail, on va te chasser, ton commerce va tomber, tu vas renverser et annuler toutes ces lois et ces paroles d'Aman au nom de Jésus. Sois béni ce matin, magnifié ce matin, adoré ce matin, salmodié ce matin, reçois la gloire, nos acclamations, nous nous inclinons, nous nous prosternons devant ta gloire, ta sainteté, ton autorité, ta suprématie, ta domination, louange à toi, parce que les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous, notre Dieu, notre Père. Selon Jérémie 33, tu nous dis, invoque-moi, je vais te répondre. Non seulement te répondre, mais te révéler des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Nous avons dans notre entourage, nous avons dans nos maisons, nous avons dans nos églises, nous avons dans nos familles, nous avons là où nous travaillons, des hommes qui veulent nous nuire. Des hommes qui s'opposent à notre élévation, à notre promotion, qui s'opposent à notre destinée, à notre prospérité, à notre santé. Des jaloux, des sorciers, des mystiques, des enchanteurs, des idolâtres. Ces hommes-là, les envoyés du diable, nous nous levons ce matin. par la puissance de Dieu et nous refoulons, nous brisons, nous détruisons au nom de Jésus. Nous mettons la confusion, la défaite, le feu, la glaire du champ maintenant. Que leurs projets ne voient jamais le jour, que leurs projets ne se réalisent jamais. Parce que nous sommes plongés dans le sang de l'agneau, imbibés du sang de l'agneau, caché dans le sang de l'agneau, que ta victoire s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas maintenant briser toutes les lois qui t'empêchent d'entrer dans tes bénédictions. Tu vas les énumérer. Si c'est le mariage, tu vas dire, toi, toutes les lois qui m'empêchent d'entrer dans mon mariage sont annulées. J'entre dans mon mariage. J'entre dans mon enfantement. J'entre dans mon épanouissement spirituel. J'entre dans mon ministère épanoui. J'entre dans mon embauche. J'entre dans ma nomination. J'entre dans toutes sortes de bénédictions, malgré la loi. Ces lois sont brisées et annulées. Proclame cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ce matin, malgré les lois spirituelles, malgré les lois humaines, malgré les lois de la sorcellerie, malgré les lois des hommes pervers, des hommes méchants, malgré ces barrières, malgré ces murailles, malgré ces tombeaux, malgré ces liens, malgré ces chaînes, comme Esther, qui avait les lois aussi en son temps. Elle est entrée chez le roi. Malgré ses lois, elle est entrée. Elle a obtenu le désir de son cœur, le vœu de son cœur. Elle a reçu l'exaucement de ses prières. Nous aussi, quel que soit le pouvoir de la sorcellerie qui nous interdit d'entrer dans notre embauche, qui nous interdit d'entrer dans notre enfantement, dans notre épanouissement spirituel, aujourd'hui, ces lois s'écroulent, ces lois tombent, ces lois sont renversées. Et quelqu'un entre dans son mariage, dans son enfantement, dans sa grâce, dans sa destinée prophétique, dans son travail miracle, dans son élévation. Quelqu'un reçoit son visa. Aujourd'hui est le jour de la manifestation de la grâce de quelqu'un. Quelqu'un entre dans sa promotion. Quelqu'un entre dans son Jéricho. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous vous attendons. Quand vous finissez, commencez à faire les déplacements. Venez en ordre. Nous serons tout à l'heure à l'église centrale de l'Assemblée de Dieu d'Adjamé. Ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, cet événement sera transmis en direct par le web. Que chacun de vous prépare une offrande spéciale de clôture de jeûne. Si tu veux que ton Jéricho tombe là, prépare une offrande qui sort de l'ordinaire pour briser la pauvreté, pour faire tomber ton Jéricho. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu n'as pas eu les livrets, Jéricho 2016, les livrets seront là-bas. Tu peux les acheter sur place. Il y aura aussi les livrets « Comment prier avec les psaumes » volume 1. Et puis, il y a aussi le numéro 2 qui vient de sortir. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.